Now 3 weeks retreat is about to over. Our yogis are still struggling with the disagreeable feelings, pain, numbness, stiffness, many kinds of unpleasant feelings. We have to experience. We cannot avoid disagreeable feelings when we practice meditation. Les 3 semaines de méditation sont pratiquement terminées maintenant et les méditants sont encore toujours occupés à se battre contre les sensations désagréables. Ils expérimentent encore toujours toutes sortes de sensations désagréables. Lorsqu'on pratique la méditation vipassana, il est impossible d'échapper à ces sensations désagréables. Il n'est pas possible de ne pas les expérimenter. Et personne n'aime ces sensations désagréables, surtout au début de la pratique. Mais lorsque l'attention sera devenue puissante, lorsque la pratique se sera développée, le méditant ne sera pas incommodé par les sensations désagréables. C'est surtout en posture assise qu'il les expérimente. Il est possible, bien sûr, de les faire disparaître en changeant de posture. Mais si nous procédons ainsi et que nous changeons trop souvent de posture, nous ne réaliserons pas rapidement anicca, dukkha et anatta. Nous ne comprendrons pas très rapidement l'enseignement du Bouddha. C'est très difficile d'arriver à comprendre vraiment, correctement, à fond. C'est pour cette raison que les yogis sont encouragés à faire un effort. Le Bouddha lui-même, lorsqu'il pratiquait la méditation, a dû fournir un effort. Il a dû faire preuve de beaucoup de patience. Son effort et sa patience ne sont pas à comparer à ce que nous fournissons comme effort, nous, êtres ordinaires. Le Bouddha avait une très grande détermination. Il voulait devenir un Bouddha omniscient. Il voulait obtenir Sabbe Nyuta Jnana. Mais il ne voulait pas obtenir ces choses pour lui. Il voulait les obtenir pour pouvoir aider les autres êtres. J'ai moi-même réussi à comprendre les vérités, dit-il. Les autres également doivent pouvoir y arriver et c'est pour les aider à cela que je désire atteindre l'omniscience. Le Bouddha a également déclaré qu'il a surmonté toutes les kilesas. Et son but, en surmontant toutes les kilesas, c'était de permettre aux autres d'y arriver également. Son intention était donc très pure, et c'est cette intention-là qui l'animait lorsqu'il pratiquait la méditation et faisait preuve de tant de patience et de diligence. Si nous voulons réussir à voir les choses telles qu'elles sont réellement, à comprendre la véritable nature des phénomènes, nous devons imiter le Bouddha. Nous devons pratiquer de façon diligente. Et où allons-nous expérimenter les sensations désagréables? C'est essentiellement en posture assise. On nous demande de rester assis sans bouger pendant 1 heure, en maintenant le dos bien droit et les jambes croisées. Cette posture est inhabituelle pour nous. Si on ne pratique pas la méditation, on cherche à s'asseoir dans une posture confortable et on n'essaye pas de maintenir cette posture pendant longtemps. Lorsqu'on pratique vipassana, dans le but de comprendre les choses telles qu'elles sont réellement, nous devrons forcément rester assis immobile, comme le demande le Bouddha. Le dos bien droit, les jambes croisées. Si nous voulons méditer agréablement, il faudra veiller à ce que les jambes ne se chevauchent pas, car si les jambes se chevauchent, des douleurs vont très vite apparaître. Les jambes doivent donc être posées parallèlement l'une à l'autre sur le sol. Mais même si nous nous asseyons de cette façon, les sensations désagréables vont apparaître tôt ou tard. Nous maintenons le dos bien droit et forcément, des douleurs apparaissent dans le dos, dans les jambes. Ces sensations désagréables vont devenir très claires au moment où nous observons les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. On nous demande d'observer ces deux mouvements de façon diligente. Et forcément, nous allons sentir très clairement ces sensations dans le corps. Les sensations désagréables vont vous apparaître très clairement en posture assise. Ce type de douleur, de dukkha, est appelé Iriyapata dukkha, la souffrance due à la posture. Mais il n'y a pas qu'en posture assise que vous allez expérimenter la souffrance. Vous l'expérimenterez également pendant la marche. Si vous vous astreignez à marcher pendant une heure, vous pourrez constater qu'il y a également des douleurs. En posture allongée également, vous allez l'expérimenter. Êtes-vous capable de rester allongé pendant une heure en maintenant la même posture? Dans toutes les postures, donc, la souffrance va apparaître. Ces souffrances sont appelées Iriyapata Dukkha. Vous avez donc expérimenté Iriyapata Dukkha, la souffrance due à la posture. En posture assise, vous expérimentez les sensations désagréables et vous ne les supportez pas. Vous changez donc de posture. Mais plus vous changez, plus vous souffrez. Et de plus, la compréhension ne va pas pouvoir se développer. Vous expérimentez donc Iriyapata Dukkha. Mais c'est bon d'expérimenter ce type de souffrance parce qu'elle amène la compréhension. Vous avez souvent entendu parler de dukkha et maintenant vous savez vraiment de quoi il s'agit. Vous avez compris d'une certaine façon en quoi consiste dukkha. Vous ne changez pas de posture malgré la douleur. Vous êtes très attentif aux mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et à tous les autres objets qui se manifeste à chaque instant. Vous pratiquez de façon assidue et vous développez votre conscience attentive. À force de travailler ainsi, votre esprit va petit à petit se concentrer et vous deviendrez tout naturellement capable de ressentir les sensations subtiles désagréables. Elles vont devenir prédominantes. Vous expérimentez par exemple des picotements. Ce sont des sensations désagréables fines. Vous les notez et en même temps, vous avez envie de vous gratter. Ce type de sensations désagréables, les sensations désagréables subtiles, sont toujours en nous, mais nous ne les voyons pas. Lorsque l'esprit est concentré, il est capable de les percevoir. C'est un petit peu comme si nous n'avions pas de bons yeux et que pour voir clairement, nous mettions des lunettes. Et si ces lunettes ne sont pas assez fortes, nous pouvons utiliser un microscope. Nous verrons encore plus clairement. L'esprit concentré colle donc à l'objet. Il est fermement fixé sur l'objet. Si l'esprit observe par exemple les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il adhère à cet objet. Il ne s'envole pas. Et les sensations désagréables, subtiles, vont devenir très claires. Ce type de souffrance est appelé Samadhi Dukkha. Lorsque nous expérimentons Samadhi Dukkha, la souffrance due au Samadhi, nous devrons faire preuve de beaucoup d'efforts, d'énergie. En pali, on dit Viriya. C'est une énergie physique et mentale. C'est le fait de se montrer brave face à la douleur. Si nous avons peur de la sensation désagréable, nous abandonnerons. Mais si nous abandonnons l'observation, nous ne comprendrons rien, nous ne saurons rien. Il faut donc se montrer très brave face à la sensation douloureuse et les noter avec effort, énergie, avec viriya. L'objet est donc que vous observez est donc très subtil. La sensation désagréable que vous notez est très fine. Mais dans l'esprit, vous la voyez très clairement. Imaginons par exemple que vous ayez un chatouillement quelque part. Le chatouillement est une sensation désagréable fine. Mais lorsqu'on l'observe attentivement, dans l'esprit, elle est très difficile à supporter. Il faut beaucoup de bravoure pour résister à un château humain. Parfois, vous observez très attentivement une sensation fine désagréable et vous voyez clairement qu'il s'agit d'une brûlure. Parfois, vous avez l'impression d'être assis sur de la pierre tellement c'est dur. Vous verrez parfois que cette dureté ou cette brûlure se transforme en autre chose. Vous voyez toutes sortes d'évolutions dans cette sensation désagréable. Pour observer attentivement cette sensation désagréable, il faudra donc se montrer très brave. La bravoure, c'est précisément viriya. Si vous n'avez pas cette bravoure, si vous n'avez pas viriya, vous abandonnerez, vous n'aurez pas la force d'observer ces sensations. Lorsque vous expérimentiez iriyapata dukkha, la souffrance liée à la posture, vous aviez des sensations désagréables ordinaires. Elles étaient dues à la posture. Et vous aviez tendance à changer de posture sans être attentif. Lorsque vous avez expérimenté samadhi dukkha, les sensations désagréables dues au samadhi, votre esprit était très concentré et vous étiez capable d'observer attentivement ce type de sensation. Votre esprit était donc très concentré, votre attention était devenue très forte et vous expérimentiez toutes sortes de sensations désagréables fines. Pour les surmonter, vous avez dû faire beaucoup d'efforts. Vous avez dû vous montrer très brave. Si vous réussissez à surmonter les sensations désagréables fines, votre esprit va devenir très paisible. Vous avez expérimenté toutes sortes de sensations désagréables, vous avez réussi à les gérer correctement, vous savez maintenant comment les observer et vous vous en accommodez. Vous n'êtes plus tellement affecté par ce type de sensations désagréables. Votre esprit est paisible et calme. Vous expérimentez encore toujours des sensations de type désagréable, mais vous êtes capable de les accepter. Elles ne vous incommodent plus tellement. Vous commencez à les surmonter. Lorsque l'esprit est en paix, il voit les choses clairement, à fond. Il voit les choses telles qu'elles sont réellement. Nous avons parlé précédemment des 7 facteurs d'illumination. Ici, le facteur que le méditant expérimente à ce moment, c'est passadhi, que l'on traduit par tranquillité. Il y a 2 sortes de passadhi, kaya passadhi, la tranquillité du corps, citta passadhi, la tranquillité de l'esprit. On pourrait dire que c'est une sensation de confort que le méditant ressent au niveau de l'esprit et au niveau du corps. D'ordinaire, il n'est pas possible d'être patient avec les sensations désagréables. Au début de la pratique, le méditant a tendance à bouger. Il ne sait pas les accepter. Mais dès que son esprit se sera concentré, il sera capable de rester assis sans bouger. Il sera capable de maintenir la posture, jambes croisées, le dos bien droit. Lorsque son attention sera devenue forte, le corps ne va plus s'affaisser, alors qu'au début, le corps avait tendance à s'affaisser. Le méditant se sent maintenant paisible dans le corps, paisible dans l'esprit. Être paisible dans l'esprit, cela veut dire qu'il est capable d'accepter les sensations désagréables. Lorsqu'il ressent des sensations désagréables, que ce soit dans le corps ou dans l'esprit, comme par exemple de la colère, de la peur, de l'agitation, il est capable de gérer toutes ses émotions. Il expérimente ainsi citta passadhi et kaya passadhi, le calme de l'esprit, le calme du corps. Le Bouddha parle de sankhara dukkha. Il nous dit que la faim, la soif, c'est la plus grande des maladies. Sankhara, c'est la plus grande des souffrances. Le Bouddha nous dit donc que Sankhara, c'est la plus grande des souffrances. Sankhara, c'est le corps et l'esprit. On peut également dire que ce sont les 5 khandas. Nous notons les 5 khandas lorsque nous pratiquons la méditation. Nous ne notons pas uniquement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Les instructions nous demandent de noter tout ce qui se manifeste en nous. Nous devons noter lorsque nous entendons un bruit, lorsque nous voyons quelque chose, que nous entendons, que nous sentons, que nous goûtons, que nous touchons et que nous pensons. Tout cela, ce sont les sankharas. Les sankharas, c'est l'esprit et la matière. Lorsque l'esprit est en paix, lorsque le corps est en paix, que vous disposez donc de Kaya Passadi et de Chitta Passadi, vous pouvez gérer tous les phénomènes physiques et mentaux. Vous observez attentivement une sensation douloureuse et vous voyez clairement qu'elle n'est pas solide. Vous êtes en mesure de voir cela parce que vous observez attentivement que votre esprit est en paix et que votre corps est en paix. Vous voyez clairement les apparitions et disparitions de ces phénomènes. Ils ne sont pas solides. Donc, lorsque vous notez les sensations désagréables, vous les observez attentivement, vous répétez douleur, engourdissement, picotement, et vous êtes capable de faire cela de façon très avec beaucoup de confort. Vous vous sentez heureux, vous êtes heureux de noter toutes ces sensations. Vous les voyez qui apparaissent et disparaissent constamment. Vous notez une première sensation douloureuse, elle disparaît. Vous notez une deuxième sensation douloureuse, elle disparaît. Vous voyez ainsi apparaître et disparaître constamment ces sensations douloureuses. Et ce n'est pas que la sensation douloureuse elle-même que vous voyez apparaître et disparaître, vous êtes également capable de voir apparaître et disparaître les différentes consciences qui prennent note de ces sensations. Vous les voyez également qui apparaissent et disparaissent constamment. C'est un petit peu comme si vous coupiez en rondelles un concombre. Vous faites très attention et vous faites des rondelles régulières. Si vous ne faisiez pas attention, vous risqueriez de vous couper le doigt. Lorsque vous coupez donc votre concombre, vous devez le faire avec beaucoup d'attention. Le couteau doit être bien aiguisé. C'est la même chose lorsque vous observez ce qui se passe en vous. Votre esprit doit être bien aiguisé. Un esprit bien aiguisé, c'est un esprit bien concentré qui expérimente Passadi, la tranquillité. Lorsque vous êtes en mesure de voir apparaître et disparaître les sensations, cela veut dire que votre esprit est devenu très puissant. Votre attention est développée. Vous êtes capable de voir les apparitions et disparitions dans tous les objets que vous observez. Lorsque vous entendez un son, que vous voyez quelque chose, que vous goûtez, que vous touchez ou que vous pensiez. Vous comprenez alors en quoi consiste Sankhara Parama Dukkha et les paroles du Bouddha. Sankhara Dukkha est la plus grande des souffrances. Si vous avez vraiment compris les apparitions et disparitions, cela veut dire que vous avez atteint le quatrième stade de connaissance vipassana appelé Udayabeya, apparition et disparition. À ce stade, les facteurs d'illumination vont devenir très manifestes, très clairs. Le méditant est capable de noter tous les objets facilement. Il les voit et les comprend très clairement. Il les voit apparaître et disparaître constamment. Ce genre d'entraînement n'est pas à comparer avec un apprentissage théorique qu'on obtiendrait à l'école. Il y a parfois des méditants qui disent au professeur « Voilà, j'ai appliqué des instructions, j'ai noté, que dois-je faire maintenant ?» Le professeur va simplement lui répondre de continuer à noter. Vipassana est très simple et les instructions sont très faciles à comprendre. S'il vous plaît, n'en faites pas quelque chose de compliqué. Parfois, le gouvernement met la population en garde. Certains aliments ont été contaminés et il faut donc éviter de les consommer. Nous allons donc éviter de consommer ces aliments. Mais si nous ne sommes pas attentifs à ce qu'a dit le gouvernement ou bien si le gouvernement n'annonce pas que certains produits sont toxiques, il nous arrivera malgré tout d'en manger. Nous mangeons de ces aliments parce que nous ne savons pas qu'ils sont mauvais pour la santé. Dès le moment où nous savons qu'ils sont mauvais pour la santé, nous allons nous en abstenir. Ici, c'est la même chose. Un être ordinaire a beaucoup d'attachements. Il vit dans le monde des plaisirs sensuels. Et c'est très difficile dans ce monde d'éviter l'attachement. Nous avons toutes sortes d'attachements. Attachement à notre famille, attachement à notre personnalité, attachement à nos biens. Mais maintenant, nous avons développé la méditation et nous avons vu les apparitions et disparitions. Nous avons expérimenté que les objets que nous observons sont tous impermanents. Ils apparaissent et disparaissent constamment. Nous l'avons vu au moment où nous regardions, au moment où nous entendions, au moment où nous goûtions, nous sentions, nous touchions et nous pensions. Plus nous verrons ces apparitions et disparitions, plus nous allons nous détacher de ces choses. Progressivement, le détachement va s'installer. Nous comprenons donc que les choses apparaissent et disparaissent. L'apparition, c'est la naissance, la disparition, c'est la mort. Nous comprenons donc la naissance et la mort. Nous nous libérons ainsi petit à petit de la peur de la mort, tout simplement parce que nous comprenons que la mort n'a rien de particulier. C'est ainsi que progressivement, le yogi va se détacher des choses. Nous devons donc nous efforcer de comprendre que Sankara est la plus grande des souffrances, que la faim, la soif est la plus grande des maladies. Si nous réussissons à comprendre cela à fond, il deviendra possible pour nous d'expérimenter Nibbana. Le plus important, c'est de comprendre que Sankara est la plus grande des souffrances. Nous verrons alors les choses telles qu'elles sont réellement, et nous serons en mesure d'expérimenter la paix éternelle de Nibbana. Nibbana est donc le plus grand des bonheurs. Lorsqu'on pratique Vipassana, nous le faisons dans le but d'expérimenter, de comprendre, de réaliser le plus grand bonheur. Donc lorsqu'on pratique Vipassana, notre but c'est de réaliser le plus grand des bonheurs, Nibbana. Pour y arriver, nous devrons nous montrer patients avec Iriyapata Dukkha, la souffrance liée à la posture. Nous devrons essayer de ne pas changer de posture. Nous devrons essayer de nous montrer patients avec les sensations désagréables ordinaires qui se manifesteront alors. Nous devrons également développer la patience par rapport à Samadhi Dukkha, la souffrance due au Samadhi. Nous expérimenterons alors des sensations désagréables subtiles. Pour ce qui est de Sankara Dukkha, le yogi qui a atteint ce stade, qui est capable de réaliser Sankara Dukkha, n'a plus besoin d'encouragement. C'est un yogi qui a expérimenté suffisamment pour poursuivre sa pratique de façon très confiante. Il a beaucoup d'énergie et n'abandonnera plus la pratique. We can experience different kinds of disagreeable feelings, so we must really strive to overcome. Then when we experience Sankara Dukkha, we don't know not necessary for the encouragement. And this kind of yogi, they will go on practicing themselves. No encouragement needed. No encouragement needed when they really see clearly as they really are. They have a lot of willing power. They have full of confidence themselves. They trusted in the practice. They will not stop. That is enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu. Sadhu.